tête à tête. Monologue du père Roman Zago avec la feuille de l'aloe et presque une prière. Chaque fois que je prépare un flacon de la préparation d'aloès, miel et eau de vie, je m'approche de la plante, seul, avec humilité. Tout doucement, avec le même respect que l'on a devant une pièce rare, un animal en voie d'extinction ou une œuvre d'art. Je m'accoste à la plante avec un couteau aiguisé, non pas avec l'intention de l'agresser, non pas comme un être supérieur ou son maître, mais comme une créature égale à elle, comme condition et comme niveau. Je me présente à la plante comme un être limité et impuissant, dans l'espoir et la certitude qu'elle puisse m'aider à résoudre l'impasse. Je la salue comme on salue une personne, ciao Bella. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Au contraire, comme je sais que tu es bénéfique, je te demande la permission de prendre ce que notre Créateur a mis en toi. J'en ai besoin. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tu es l'essence de Dieu, parfaite, belle, harmonieuse. Dieu a déposé en toi de riches substances. Je viens en profiter. Si je ne les recueille pas, elles ne seront jamais utilisées pour leur fin. Toi, comme tout être vivant, tu es né, tu as poussé, mais tu mourras, retournant en poussière de cette terre qui t'a formé. Cependant, si je te cueille, tu donneras tous les dons que tu renfermes en toi, et tu activeras tout ce que tu sais faire de bon. Permets-moi de te cueillir comme je le ferai pour une belle rose. Toi seul connais les merveilles que tu portes intérieurement, et éprouve l'extase de la fécondité. Quand je prends en main sa feuille avec tendresse, je la caresse de haut en bas, en faisant passer la scie des épines dans la paume de la main, comme pour lui faire comprendre qu'elle n'est pas féroce et agressive et je lui susurre encore, tu souffriras un peu, mais je ne connais pas d'autre moyen pour te cueillir, afin que tu puisses faire ce pour quoi tu as été créé. Viens avec moi, viens. Je t'ai choisi parce que je sais que tu es prêt à mettre en pratique ce que tu sais. Considère-toi, crois-moi, une élue. Oui, tes compagnes resteront pour de futures nécessités, si elles se présentent. Dans le cas contraire, elles mourront, et leur vie aura été inutile. Comme la fleur qui fleurit en pleine forêt amazonienne, ou l'onde au milieu de l'océan, sans pouvoir faire profiter pleinement de ce qu'elle possède. Je te couperai quelques feuilles à côté du tronc, avec un coup de bistouri, afin que tu ne perdes rien de ton essence, rien de ton jus extraordinaire et curatif. Avec une légère incision de la lame, je détache la feuille du tronc, sans l'arracher, la déchirer ou la blesser. Nettoyée de la poussière et les épines enlevées, elle est ajoutée, avec le miel naturel, à l'eau de vie choisie. Le tout est passé au mixé. Pendant que les trois éléments sont mélangés et triturés, je pose mes mains sur le récipient du mixé, comme s'il s'agissait d'un bouchon, afin de transmettre toute mon énergie à cette préparation. Quand elle est prête, j'adresse à la plante mes dernières paroles pour l'inviter à la mission qu'elle doit accomplir, en utilisant la force vitale qui est en elle. Maintenant va et fais ce que tu sais. Dans un corps créé par Dieu, il ne peut y avoir ni maladie, ni douleur, ni désaccord et discordance. Libère du mal le corps qui t'est confié, en mettant en pratique ce que tu sais faire. Je t'aime bien. Oui, c'est vrai, je t'ai choisi entre toutes tes semblables. Profite de l'occasion et accomplis la mission que le Seigneur a programmée en te créant. Maintenant le moment de l'extase est arrivé, je sais qu'à peine ta mission sera accomplie, tu me remercieras pour l'occasion qui t'a été donnée. Moi aussi je te suis infiniment reconnaissant pour l'aide que tu donneras à ce corps malade. Excuse-moi et merci pour ce service que tu as été appelé à fournir, avec grand amour. Va et mets en pratique ce que tu sais. Béni soit Dieu qui avec l'aloès et toute la nature, nous a donné tant de possibilités de soigner nos maladies. Guéris-toi, vivez joyeux une nouvelle vie de remerciements et de louanges. Qu'il nous soit permis de découvrir et d'utiliser, toutes les ressources pour notre bien, et de passer tout le temps de notre vie dans une action de grâce continue. Amen. Père Roman Zago, OFM. Si tu es diabétique ou si tu crains, que le miel ne soit pas biologique, et puisse avoir des inconvénients, prépare quotidiennement le mélange mixé, qui te sert pour le jour même. À la place du miel, ajoute des fruits ou des légumes. À propos du miel, il y a des personnes allergiques à ce produit. Dans ce cas, si la personne est allergique au miel, elle pourra avoir des problèmes de constipation. On évite le problème en remplaçant le miel par un jus d'orange. Le miel, s'il est naturel, ne fait pas mal aux diabétiques. Il existe même une recette pour soigner le diabète, une cuillerée à café de miel, vieux d'au moins 10 ans, le matin à jeun.